toujours pas de bac pour faire notre prep. Mais la prod après tout, les trois quarts on s'en fout. Quoi de neuf fasse partout. Quoi de neuf fasse partout. Vers les 3 heures c'est fou. Sur les quais on s'agite beaucoup. Ouais on bosse ça partout. Et ça nous suit partout. Quoi de neuf fasse partout. Pas de répit, le cross dog va démarrer. Et les chauffeurs t'attendront pas pendant des heures. Quoi de neuf fasse partout. Nous on court de partout. Même pas de chariot pour faire notre prep. Mais la prod après tout, les trois quarts on s'en fout. Quoi de neuf fasse partout. La la la. Pas fini, va au retour, ça va te calmer. Et regarde pas l'heure si tu veux pas finir en pleurs. Quoi de neuf fasse partout, nous on court de partout. Toujours pas de bac pour le bout de chaîne. Mais la prod après tout, les trois quarts on s'en fout. Quoi de neuf fasse partout. Partout, nous on court de partout. Les tiqueteuses font béard planté. Mais la prod après tout, les trois quarts on s'en fout. Quoi de neuf fasse partout. Quoi de neuf fasse partout. Le air tout c'est relou. Quel vénard c'est toi aux machines. T'as garé sans dessus dessous. Pas le temps de souffler un coup. Quoi de neuf fasse partout. La la la. Ouais on bosse ça partout, ça nous rend demi-fous. Quoi de neuf fasse partout. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quoi de neuf fasse partout. Souvent, mais on revient rigolant. Et pour manger chez Spartoo, c'est pas les derniers. Quoi de neuf fasse partout, nous on court de partout. Des équipes de choc dans le stock. Et la prod après tout, elle est au rendez-vous. Quoi de neuf fasse partout.